Les photos tapissent les murs, empêchent que ne se tarissent les souvenirs. Comme pour retenir l'instant que s'éternise le temps, éviter qu'il se ternisse, se termine. J'aime ces moments avec mes amis d'enfance, ces réunions où l'on se retrouve tous assis ensemble à papoter, se livrer nos doutes et secrets, nos joies et regrets. L'écoute est sacrée, telle une confrérie, on a tant partagé. Heureux que la vie ne nous ait arraché, même si nos routes se séparent puis que l'on s'éparpille. Chacun travaille à ce que l'on ne s'égare ou que la fatalité ne nous égratigne. Tu sais, on change ou l'on devient soi-même. Quoi qu'il en soit, on tend à se différencier, mais rien de grave tant qu'on continue d'aller vers l'autre pour ne pas devenir étranger. Partager des souvenirs est plaisant, mais je veux vivre des choses dans le présent avec ceux qui me sont chers, afin qu'ils demeurent vivants dans mon cœur, qu'ils ne soient saisis comme le ciment pétrifié. Car à ne plus vivre avec les gens, ils deviennent comme ces photos que l'on aimait tant. Des choses arrêtées, des images, des projections que l'on voit comme elles étaient, non comme elles sont. Tout et le retour soudain d'une connaissance passée, souvent difficile, propice à la désillusion. Qui est donc cet inconnu ressemblant tant à celui avec qui je partageais mes peines les plus infimes, mes secrets les plus intimes? L'alchimie ne prend plus trop d'écart entre nos parcours. Mon cœur s'embûche, farfouille dans mon fort intérieur, dans le but de retrouver dans ces décors qui ont jauni une anecdote ou un souvenir, rien ne sort. Quelque chose est mort, l'oubli a fait des ciels, la gêne me fait sourire, cependant les mots ne viennent pas, mis à part quelques banalités convenues, à savoir ce qu'on est devenu. Une femme, un chien, un lave-linge, ah bon, mais de quoi parle-t-on? Un diplôme universitaire, un nouveau patron, c'est bien. Banale conversation, entrecoupée de ce sale silence de plomb. Ce silence qui fait si mal, comment a-t-on pu en arriver là? Nous qui grimpions dans les arbres, agissions par mégarde toujours à nous faire des blagues. On a grandi ensemble, à présent regarde-nous, plus qu'à tourner la page, accepter que rien ne soit plus comme avant. Pas facile, mais comme dirait ma mère, c'est comme ça, c'est la vie.